Deuxième livre de Samuel, chapitre 4. Quand le fils de Saül eut appris qu'Abné était mort à Hébron, ses mains devinrent lâches, et tout Israël fut étonné. Or le fils de Saül avait deux capitaines de bande, dont l'un avait nom Baana, et l'autre Rechab, fils de Rimmon Bérethien, des enfants de Benjamin, car la ville de Béroth était aussi réputée de Benjamin. Et les Bérothiens s'étaient enfuis à Guittajim, et ils y ont fait leur séjour jusqu'à aujourd'hui. Et Jonathan, fils de Saül, avait un fils blessé au pied, âgé de 5 ans, lorsque le bruit de la mort de Saül et de Jonathan vint de Jizréel, et sa gouvernante le prit, et s'enfuit, et comme elle se hâtait de fuir, il tomba, et devint boiteux, et il fut nommé Méphibosheth. Rechab donc et Baana fils de Rimmon Bérethien vinrent, et entrèrent pendant la chaleur du jour dans la maison d'Isboseth, qui prenait son repos du midi. Ainsi Rechab et Baana son frère entrèrent jusqu'au milieu de la maison, allant prendre du froment, et ils le frappèrent à la 5e côte, et se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison, lorsqu'Isboseth était couché sur son lit, dans la chambre où il dormait, et ils le frappèrent, et le tuèrent, puis ils lui ôtèrent la tête, et la prirent, et ils marchèrent par le chemin de la campagne toute cette nuit-là. Et ils apportèrent la tête d'Isboseth à David à Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Isboseth fils de Saül ton ennemi, qui cherchait ta vie, et l'Éternel a aujourd'hui vengé le roi mon seigneur, de Saül et de sa race. » Mais David répondit à Rechab et à Baana son frère, enfant de Rimmon Bérethien, et leur dit, « L'Éternel qui a délivré mon âme de toute angoisse, est vivant, que je saisis celui qui vint m'annoncer et me dire, « Voilà, Saül est mort, et qui pensait m'apprendre de bonnes nouvelles et je le tuai à Tsikla, ce qui fut le salaire que je lui devais donner pour ces bonnes nouvelles. Combien plus dois-je faire punir, ces méchants qui ont tué un homme de bien dans sa maison, sur son lit ? Maintenant donc ne redemanderai-je pas son sang de votre main, et ne vous exterminerai-je pas de la terre ?» David donc fit commandement à ses gens, lesquels les tuèrent et leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent sur l'étang d'Hébron. Puis on prit la tête d'Isboseth, et on l'ensevelit au sépulcre d'Abné à Hébron.